Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. Pour vos différentes pièces automobiles, c'est l'équipe de Pièces Auto La Voix Baudry Napa qu'il faut voir. Une équipe chevronnée, d'expérience, avec des prix imbattables. Pièces Auto La Voix Baudry Napa, 890, 3e rue Chibougamau, 418-748-6426. L'équipe de Pièces Auto La Voix Baudry Napa de Chibougamau souhaite une bonne saison à tous les golfeurs. On va parler de golf, c'est la chronique du club de golf présentée par justement le club de golf de Chibougamau et également Autopièce Auto Napa de l'endroit, c'est le commanditaire Daniel Bédard. Salut Michel! Bonjour, Danny. Michel, évidemment, comme j'ai l'habitude, on va parler de Pierre-Alexandre. C'est évidemment votre figure de proue à Chibougamau. Là, il commence le 15e Pro Tour. J'ai eu l'information, finalement, il commence aujourd'hui. Oui, hier, c'était le Pro-Am. Ouais. Puis c'est un tournoi, encore une fois, sur deux jours. C'est ça. C'est demain, puis après-demain. Puis il semble en bonne forme. Ouais. Il a passé la semaine à Chibougamau, la semaine dernière. Il a joué avec un paquet de monde. C'est un gentleman comme toujours. Puis sa présence a été bien appréciée. Il a compétitionné samedi puis dimanche. C'était beau de le voir aller. Puis il y a plusieurs personnes qui l'ont suivi. Puis ceux qui ont eu le plaisir de jouer avec n'ont que des éloges encore une fois. Ouais, c'est un chic type. C'est un des personnages que j'aime collaborer avec, parce que, tu sais, il s'exprime bien en entrevue, il me répond à mes questions quand j'ai des questions, tu sais, il pourrait se foutre un peu de moi, puis finalement, ben, c'est pas mal le fun qu'on parler avec elle, pas parler avec elle, mais parler avec lui, fait que, bravo. Puis là, il semble-t-il qu'il y aurait une annonce importante, puis je me doute un peu, c'est des suppositions que je fais, commanditaire important. Son père n'a pas voulu en parler davantage, mais... c'est mon opinion. Pour moi, il y a un commanditaire qui se prépare. Écoute, ça ne peut pas être fait autre chose qu'une bonne nouvelle si ça se concrétise. Puis je les comprends de tenir ça secret. Hein, aussi longtemps que c'est pas signé, toute commandite n'est jamais officielle. Hein. Ouais. Fait que donc, puis possiblement que si c'est quelque chose de majeur, ben ils vont attendre la conférence de presse et tout pour annoncer cet événement-là. Puis on le souhaite à Pierre, parce que comme tu le disais, c'est vraiment une très, très bonne personne. C'est un bon jeune homme, puis il est sur la bonne voie, puis il est en beau développement, puis on peut pas faire autrement qu'il souhaiter le meilleur des succès. OK, ben bravo. Est-ce qu'il se passe pour moi en fin de semaine? Joe, c'est tranquille. On a un petit tournoi amical pour les membres. Samedi, on est en fin de saison. Prochain gros événement, ça va être... Samedi le 23, ça va être le tournoi du président qui va être en tournoi, le tournoi de fermeture en même temps. OK. Fait que on va surveiller ça de très près. Là, ça doit être tranquille en Montadie. Là. Il fait pas beau en plus de ça. Là. Il doit pas avoir de monde sur le terrain. Ah non. On n'a pas eu un gros calendrier cet été. Fait que c'est tranquille, c'est de valeur parce que Pierre-Alexandre était le premier à dire que c'est un des plus beaux parcours encore qu'il a joué cette année. La qualité de notre parcours, la qualité de nos verres, c'est exceptionnel. Mais c'est malheureux, il n'y a pas beaucoup de monde qui en profite. Puis comme on dit, nous, souvent, on est chanceux, on est des millionnaires d'avoir un terrain comme ça pour si peu de personnes qui en profitent. Mais on invite encore une fois toute la population. C'est accessible, c'est très peu dispendieux. C'est un bel événement, c'est une belle activité. C'est un beau parcours. Dans un contexte très, très beau. Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui veulent en profiter. Hey, Michel, moi, je veux te parler de... Parce que j'en parlais avec mon chum, Gilles Junot, cette semaine à bâton rompu, sur l'avenir du golf au Québec. Puis, tu sais, je prenais l'exemple du tennis. Là, c'est parti en peur, là, à cause des succès de Chapovalov, puis d'Eugénie auparavant, Raonic, et ainsi de suite. Les jeunes jouent au tennis. Puis je disais à Junior, j'ai dit, est-ce que Québec, le Québec ne devrait pas travailler à pousser, à mettre toutes les ressources nécessaires pour qu'un Québécois perce la PGA, et ainsi de suite. Puis c'est sûr que c'est pas facile, là. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais moi, je vais prendre l'exemple, mais ma question, c'est pour Chipogamo. Le résultat de Pierre-Alexandre, là, parce que c'est quand même quelque chose pour Chipogamo, là, ça donne-tu le goût à des jeunes de s'inscrire? Oui, disons que il n'y a pas encore un rayonnement qui est visuel. Okay. Tu sais, là, les jeunes, ils s'identifient à des vedettes de la télévision. Ouais, c'est ça. Les jeunes, ils jouent au hockey, ils veulent être un Crosby, un Drouin ou autre. Mais au golf, là, ils sont encore avec Tiger, puis McIlroy, puis Spieth, puis Thomas en fin de semaine, parce qu'ils les voient. Ouais. On en parle beaucoup, on parle de développement, on les met en contact avec nos meilleurs jeunes qu'on a chez nous. On a une belle relève dans les 22-25 ans. On les mixe beaucoup avec nos juniors. Okay. Ça les motive. Mais la journée où on va avoir des Québécois qu'on va voir à la télévision, qu'on va pouvoir suivre, là, à ce moment-là, c'est sûr que ça va, augmenter. Mais je te ramène sur Chipogamo, là. Pierre-Alexandre, c'est sûr que c'est pas une vedette nationale, là. Okay, on ne se contente pas d'histoire, mais c'est une vedette locale, même régionale. Ça commence à être intéressant. Il a pas assez le rayonnement pour mettre du monde à Chipogamo plus? Non, pas dans le moment. Okay. Pas parce que la performance n'est pas là. Ouais. C'est comme je te dis, c'est la visibilité qui crée le vedettariat puis qui amène la motivation. Chapeau Valov au tennis, là. Ouais. Personne ne l'avait vu avant qu'il envoie sa balle dans l'œil d'un juge, là. Puis personne ne savait que c'était un bon joueur. Aller jusqu'à 15 jours. Mais depuis ce temps-là, tout le monde se l'arrache. Puis que tout le monde veut se mettre au tennis. Puis les médias, on dira ce qu'on voudra. Les médias locaux aussi, écoute, moi, je veux bien. C'est la même chose. Non, mais je veux bien. Puis je donne tout le résultat à Pierre-Alexandre. Puis je suis un petit média. Je suis un tout petit média. Tu sais, il y a des médias beaucoup plus gros que moi qui pourraient faire un effort beaucoup plus gros pour faire rayonner nos joueurs d'ici. Écoute, hier, je faisais une entrevue avec Shane Gauthier. Golf Québec ne demande que ça, mais ils attendent eux autres aussi d'avoir une percée plus significative. Ouais. Dans le moment, la vedette montante, c'est Hugo Bernard. Ouais. Puis on attend qu'il explose, mais il n'a pas explosé encore. Fait que Pierre est à venir. Ouais. Mais tu sais, ce que je voulais finir, Pierre-Michel, hier, je faisais une entrevue avec Shane Gauthier, qui est un joueur de football de Lebeau, qui joue avec les Blue Bombers de Winnipeg. C'est pas rien, là. Tu sais, à part Danny Veilleux, qui parle assez souvent à Shane Gauthier, quel média va parler avec Shane Gauthier? Non, parce qu'il n'est pas avec les Alouettes et qu'on ne le voit pas à TV. Ouais, mais c'est ça. Je trouve ça dommage, mais c'est ça. Ça a pris combien de temps avant qu'on parle de Duvernay? Ouais, c'est ça. Ils ont commencé l'année passée quand on a commencé à le voir régulier avec les Chiefs de Kansas City. Ouais, ouais. Avant ça, même les journaux professionnels n'en parlaient pas. Non, c'est ça. Exactement. Gros merci, Michel. Donc, on rappelle que cette chronique est une commandite du club de golf de Chipogamo et également de Topia Sotonapa de l'endroit.